Ovide, les Pontiques, traduction 1838, sous la direction de Monsieur Nisard, livre premier, lettre 4, à sa femme. Déjà au déclin de l'âge, je vois ma tête qui commence à blanchir. Déjà les rides de la vieillesse sillonnent mon visage. Déjà ma vigueur et mes forces languissent dans mon corps épuisé. Et les jeux qui jadis firent le charme de ma jeunesse me déplaisent aujourd'hui. Si j'apparaissais tout à coup devant toi, tu ne pourrais me reconnaître, tant est profonde l'empreinte des ravages que le temps m'a fait subir. C'est sans doute l'effet des années, aussi bien que le résultat des fatigues de l'esprit et d'un travail continuel. Si l'on calculait mes années sur le nombre des maux que j'ai souffert, crois-moi, je serais plus vieux que Nestor de Pylos. Vois comme les travaux pénibles des champs brisent le corps robuste des bœufs, et pourtant, quoi de plus fort que le bœuf? La terre, dont le sein est toujours fécond, s'épuise, fatiguée de produire sans cesse. Il périra, le coursier qu'on fait lutter sans relâche dans les combats du cirque. Et le vaisseau, dont les flancs toujours humides ne seront jamais séchés sur la grève, quelque solide qu'il soit d'ailleurs, s'entr'ouvrira au milieu des flots. C'est ainsi qu'affaibli moi-même par une suite de maux infinis, je me sens vieilli avant le temps. Si le repos nourrit le corps, il est aussi l'aliment de l'âme, mais un travail immodéré les consume l'un et l'autre. Vois combien la postérité est prodigue d'éloges envers le fils d'Aison, parce qu'il est venu dans ces contrées. Mais ses travaux, comparés aux miens, furent bien peu de choses, si toutefois le grand nom du héros n'étouffe pas la vérité. Il vient dans ce pont envoyé par Pélias, dont le pouvoir s'étendait à peine jusqu'aux limites de la Thessalie. Ce qui m'a perdu moi, c'est le courroux de César, dont le nom fait trembler l'univers du couchant à l'aurore. Lémonie est plus près que Rome de l'affreux pays du pont. Jason eut donc une route moins longue à parcourir que moi. Il eut pour compagnons les premiers de la Grèce, et tous mes amis m'abandonnèrent à mon départ pour l'exil. J'ai franchi sur un fragile esquif l'immensité des mers, et lui voguait sur un excellent navire. Je n'avais pas Typhis pour pilote. Le fils d'Agénor n'était pas là pour m'indiquer la route que je devais prendre ni celle que je devais éviter. Jason marchait sous l'égide de Pallas et de l'auguste Junon. Nulle divinité n'a protégé ma tête. Il fut secondé par les ressources ingénieuses de l'amour, par cette science que je voudrais n'avoir jamais enseignée. Il revint dans sa patrie et moi je mourrai sur cette terre si la terrible colère d'un dieu que j'ai offensé reste inflexible. Ainsi donc, ô la plus fidèle des épouses, mon fardeau est en effet plus lourd à porter que celui du fils d'Aison. Toi aussi, qu'à mon départ de Rome je laissais jeune encore, l'idée de mes malheurs t'aura sans doute vieilli. Ô, fasse, les dieux, que je puisse te voir tel que tu es, que je puisse déposer sur tes joues flétries de tendres baisers, presser dans mes bras ton corps amaigri et dire: c'est son inquiète sollicitude pour moi qui l'a rendue si frêle. Te raconter ensuite mes souffrances, en mêlant mes larmes aux tiennes. Jouir encore d'un entretien que je n'espérais plus, et d'une main reconnaissante, offrir au César, à une épouse digne de César, à ces dieux véritables, un encens mérité. Puisse la colère du prince s'apaiser bientôt, et la mère de même nom, de sa bouche de rose, m'annoncer enfin cette heureuse nouvelle.